Livre 6. La stabilité est assurée. Dans ce livre, Victor Hugo aborde un thème nouveau. Il évoque ainsi à plusieurs reprises la prospérité matérielle amenée par le Second Empire, prospérité qui semble faire oublier le coup d'État, les proscriptions et autres atteintes à la liberté. Il est l'appui de l'ordre. Il est bon catholique. Il signe hardiment « prospérité publique ». La trahison s'habille en général français. L'archevêque ébloui bénit le Dieu succès. C'était crime, je dis, mais c'est au fait dimanche. Du pourpoint probité, l'on retourne la manche. Tout est dit. La vertu tombe dans l'arriéré. L'honneur est un vieux fou dans sa cave murée. Ô grand penseur de bronze, en nos dures cervelles, faisons entrer un peu ces morales nouvelles. Lorsque sur la Grand Combe ou sur le Blanc de Zin, on a revendu 20, ce qu'on a payé 5. Sache qu'un guet-apens, par où nous triomphâmes, est juste, honnête et bon. Tout au rebours des femmes, sache qu'en vieillissant, le crime devient beau. Il plane, signe, après s'être envolé, corbeau. Oui, tout cadavre utile exhale une odeur d'ambre. Que vient-on nous parler d'un crime de décembre quand nous sommes en juin? L'herbe a poussé dessus. Toute la question, la voici. Fils, tissus, cotons et sucre brut prospèrent. Le temps passe. Le parjure difforme la trahison basse. À l'avancement en âge, ont la propriété de perdre leur bassesse et leur difformité. Et l'assassinat louche et tout souillé de fange change son front de spectre en un visage d'ange.